Vous allez tourner avec moi dans l'évangile de Luc. Au chapitre 5, verset 12. La Bible nous montre Dieu sous différentes facettes. Elle nous montre que Dieu a un grand pouvoir, hein? Une grande puissance. Et souvent, quand on demande aux gens où est-ce que Dieu nous montre sa puissance, la plupart des gens vont nous dire à travers la création. Dieu nous montre sa puissance. Et c'est vrai, c'est vrai. Si je vous mets dans une chambre vide de toute chose, complètement vide, et je vous demande de me fabriquer quelque chose, vous allez voir que ça prend du pouvoir. Je vous mets complètement vide. Puis je dis, ah ouais, fabrique-moi la plus petite chose que tu voudras, mais fabrique-moi quelque chose. Vous allez voir que ça prend de la puissance. Mais le plus grand pouvoir de Dieu, ce n'est pas de fabriquer quelque chose. Le plus grand pouvoir de Dieu, c'est de pardonner. J'expérimente et vous expérimentez comme moi que ça prend du pouvoir pas mal fort pour pardonner. Si vous n'avez pas réalisé ça encore, vous n'êtes pas encore assez vieux. C'est tellement dur de pardonner vraiment à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on est toujours en train de ramener les fautes des autres, puis reparler de la faute des autres, puis dire ce que les autres ont fait de correct. Puis c'est tellement dur de pardonner. À la façon que Dieu pardonne. Parce que quand Dieu dit qu'il pardonne, il dit que jamais plus dans l'éternité, il va rapporter ce péché-là. Jamais plus il va en reparler. La Bible nous dit d'une façon imagée, il dit « je l'oublie ». Quand vous avez oublié quelque chose, pouvez-vous en parler? Ben non, si vous oubliez, vous ne pouvez pas en parler. Ça prend un pouvoir énorme pour pardonner. Et c'est ce que nous allons parler ce matin, le pouvoir de pardonner. Le pouvoir de pardonner. Depuis le début des temps, l'homme a vécu, l'humanité, je parle, a vécu séparé de Dieu. L'homme a été créé uni à Dieu. Dieu l'a créé, il l'a mis avec lui dans le paradis, et il vivait avec Dieu. Il parlait avec Dieu, il marchait avec Dieu, il vivait avec Dieu, dans le paradis, l'être humain. Et l'être humain a péché. Et à partir de ce moment-là, l'être humain a été séparé de Dieu. Séparé. Tant que le péché n'est pas pardonné, il y a séparation entre Dieu et l'homme. Vous savez comme moi, quand on se fait du tort les uns les autres, et qu'on ne se pardonne pas, ça fait quoi? Je vois chacun sur notre bord. Chacun sur notre bord. C'est fini. On se parle plus, on se touche plus, on ne veut plus rien savoir, on s'en va, on se divorce, on ne veut plus rien savoir, on ne se pardonne pas, on s'en va chacun sur notre bord. C'est ça que ça fait le péché. Ça sépare les gens. Et le péché a séparé Dieu de l'être humain. Bon, attention, ce n'est pas le péché de Dieu. C'est le péché de l'être humain. Laissez-moi vous lire quelques versets. Mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. En ce jour, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai. Je leur cacherai ma face. Dieu dit, je vais les abandonner parce qu'ils ont péché contre moi. « quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'ils seront remplis de cadavres et des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. Quand Dieu dit qu'il cache sa face, ça dit que vous ne pouvez plus voir. Vous avez déjà fait ça avec les enfants? Les enfants, ils se mettent les mains dans les yeux, ils pensent quoi? Que vous ne le voyez plus. Ils pensent que vous ne le voyez plus. C'est pas comme ça. Il y a l'impression que... En tout cas, ma petite fille, elle a un peu plus qu'un an, là. Puis là, voilà, elle pense que tu vois... Coucou, papy! Là, elle a l'impression. Si moi, je me fais de même, là, j'ai l'impression qu'elle ne me voit pas. T'sais. Dieu dit, je vais cacher ma face. Tu ne me verras plus, tu ne me parles plus. Je ne serai plus avec toi. Parce que tu as péché. Mais Dieu a fait une promesse dans l'Ancien Testament. Et je ne leur cacherai plus ma face. Il dit ça au peuple d'Israël en parlant de la Nouvelle Alliance. Il dit, il va venir un temps quand les gens vont pécher, je ne leur cacherai plus ma face. Ça a été la plus belle promesse que Dieu a jamais faite à l'être humain. Viendra un temps dans l'histoire de l'humanité que je ne cacherai plus ma face aux êtres humains. Je me tiendrai plus séparé de l'être humain. Et quand Dieu a fait cela, quand il s'est séparé de l'être humain, vous vous souvenez qu'il était très sérieux, il a mis à la porte du paradis, quoi? Un ange, avec une épée flamboyante, la Bible nous dit, afin d'empêcher l'homme de revenir dans le paradis ou dans la présence de Dieu. Parce que vous savez, comme moi, le paradis, c'est pas une place qu'on va avoir du fun, dans le sens que c'est pas une place qu'on va avoir... Le paradis, c'est l'équivalent de la présence de Dieu. Si vous donnez au monde un paradis et que vous enlevez Dieu du paradis, ça devient l'enfer. Ça devient l'enfer. Lorsque Dieu n'est pas, on peut appeler ça l'enfer. Et ce matin, on va voir un texte qui nous parle de cette belle promesse de Dieu. Quand Dieu a dit, il y aura un temps où je ne cacherai plus ma face aux hommes. En tout cas, à ma compréhension, les hommes sont encore pécheurs. Les femmes aussi. Bien entendu. On est encore des pécheurs. Comment est-ce que Dieu a pu dire dans l'Ancien Testament, il y aura un temps où je ne cacherai plus ma face quand les hommes sont encore pécheurs? Une espèce de contradiction, là, hein? Si c'est le péché qui nous a séparés de Dieu, comment ça que même si on continue à pécher, Dieu dit, je ne vais plus te séparer de toi, je ne me séparerai plus de toi, je ne te cacherai plus ma face, même si tu es encore un pécheur? Vous tous encore des pécheurs ce matin ici? Même si vous ne pas la main, vous êtes des pécheurs comme moi. Vous avez péché cette semaine. Est-ce que Dieu était caché? Ou si tu peux voir la face de Dieu pareil? Et c'est pour moi les plus grands moments de joie de ma vie. C'est dans ces moments-là quand je réalise ça. Que je peux voir Dieu malgré que je suis un tordu. Que je peux me rentrer dans sa présence malgré que je suis un pécheur. C'est le plus beau moment de ma vie. Quand je m'arrête, est-ce que je pense à ça? Pas d'autre chose pour me faire plus jouir de Dieu que ça. Luc, chapitre 5, on va étudier ce texte-là. Vous savez comme moi que les différents auteurs des évangiles ne placent pas les événements à la même place. Hein? Ils vont prendre des histoires, mais ils ne les mettent pas toujours d'une façon chronologique. Des fois, ils vont les rassembler, comme Matthieu, mettons. Matthieu, au chapitre 13, il fait un rassemblement de plusieurs paraboles. La parabole de l'ivraie, la parabole de la bonne semence, la parabole des 10 vierges, beaucoup de paraboles. Il a tout rassemblé les paraboles qu'il se souvenait que Jésus avait racontées. Ils ont toutes mis dans le même chapitre. Ça ne veut pas dire que Jésus a commencé à dire, écoutez-moi bien, j'ai 10-12 paraboles à vous raconter. Il n'a pas fait ça de suite. Les paraboles étaient souvent racontées quand Jésus voulait faire comprendre une vérité. Donc, il y avait une vérité à dire, et il racontait une parabole pour les aider à comprendre. Une parabole, c'est juste une histoire, la plupart du temps figurée, qui n'est pas vraie, mais c'était inventé, une histoire inventée par Jésus pour faire comprendre à son auditoire une vérité. Une vérité. Donc, automatiquement, ici, Luc va emmener une histoire que Matthieu n'a pas placé à la même place, que Marc n'a pas placé à la même place. Mais il l'a placé là, je pense qu'il y avait un but en la plaçant là. C'est l'histoire du lépreux. Lisons-la ensemble. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu tomber sur sa face. Et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais il dit, « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Je crois qu'il a placé cette vérité, cette parabole-là, cette histoire-là, cet événement-là, justement avant une autre histoire qu'il veut qu'on comprenne, Luc. Je crois que cette histoire-là sert d'introduction à l'autre histoire. Parce qu'il va montrer ici cet homme-là qui était un lépreux. Pour nous autres, on ne connaît pas ça, la lèpre. Qui a déjà parlé avec un lépreux? Personne. Qui a déjà touché un lépreux? Personne. On ne connaît pas ça, des lépreux. On ne sait pas c'est quoi un lépreux. En général, on en a vu à la télévision, et c'est peut-être pas tout à fait très beau. Aujourd'hui, en fait, il y a toutes sortes de programmes humanitaires pour aider les lépreux. Il y a des gens qui consacrent leur vie entière à aller vivre avec ces lépreux-là. On connaît un qui vient du Québec, c'était le cardinal Léger, qui lui a vécu toute sa vie parmi les lépreux pour les aider, pour soulager un peu leur misère. Mais ce qu'on oublie, nous, ce qu'on ne comprend pas, là, ce que les lépreux, dans ce temps-là, Dieu les avait choisis pour donner une leçon de choses au peuple d'Israël. Quand tu étais un lépreux, tu étais exclu de la communauté. On te mettait en dehors de la ville. On t'envoyait aussi loin que possible. Et tu étais coupé de toute relation avec les autres êtres humains qui n'étaient pas des lépreux. Vous avez vu toutes sortes de films qui montraient toutes sortes de choses. On faisait toutes sortes de... On allait amener du manger dans une place, puis on dépêchait à courir dans l'autre sens pour pas que les lépreux... Parce qu'on croyait que c'était contagieux et que c'était terrible d'attraper la lèpre. On en mourait. Bien entendu, on en mourait. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est quand tu étais un lépreux, tu n'étais pas juste coupé des hommes. Tu étais coupé de Dieu à cause de ta lèpre. Tu ne pouvais plus jamais rentrer dans le temple en Israël. Jamais. C'était fini. Tu étais en dehors de la relation avec Dieu. Tu ne pouvais plus. Imaginez-vous un lépreux. En plus d'être coupé des tiens, de ta femme, de tes enfants, de ta parenté, de tes amis, tu es coupé, tu es loin. Tu es seul dans un trou à quelque part avec d'autres comme toi et vous attendez juste la mort. Mais en plus, tu sais très bien que tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas présenter devant Dieu. C'est fini. Tu ne peux pas aller offrir des sacrifices pour tes péchés. Tu ne peux pas aller faire des actes d'adoration. Tu ne peux pas aller prier. Tu ne peux pas aller demander au prêtre d'intercéder en ta faveur. Tu étais coupé de Dieu. Et ici, Jésus va utiliser cela pour introduire l'autre histoire. Jésus qui l'a fait, mais je ne crois pas que Jésus a conté les deux histoires en même temps, mais Luc le fait exprès. Jésus dit à l'homme quoi? J'ai le pouvoir, moi, de rétablir la relation que tu as perdue avec tes semblables. Et j'ai le pouvoir, moi, Jésus, de te remettre en relation avec Dieu. J'ai ce pouvoir-là. J'ai cette capacité-là. Le lépreux démontre sa foi dans la personne de Jésus. Le lépreux, je ne sais pas comment il a entendu parler de Jésus. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'il a sorti de son trou, puis s'est envenu en ville. Il a pris des gros risques, il s'est envenu en ville pour aller voir Jésus. Parce que Jésus pouvait, il n'allait pas là-bas. Puis lui, il n'était pas supposé de venir de ce côté-là. Mais il est venu en ville. Et j'imagine un peu comme les films, quand le gars passait, il devait, savoir ce qu'il devait faire? Il devait crier à poumon plein, perdu. Il devait crier « Lépreux, lépreux, lépreux! » Ça fait que tout le monde s'éloigne, tout le monde part en courant sur tous les bords. Imaginez-vous donc quelle sorte de vie ces hommes-là avaient, ces femmes-là avaient. Mais il y a, tout le monde est parti, excepté. Ouais. Jésus est resté là. Il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur, si tu veux. Et la Bible ici dit, Jésus l'a touché. Ce que jamais personne ne faisait. Jésus l'a touché. Puis il a dit quoi? Je le veux. Et instantanément, il est devenu pur. Puis de lèpre. Automatiquement, sa relation avec les hommes était rétablie. Et là, il lui dit, voici ce que j'aimerais que tu fasses maintenant. Tu vas aller au temple, parce que j'ai le pouvoir de rétablir. En enlevant ta lèpre, je te donne le pouvoir de retourner dans la présence de Dieu. Il dit, tu vas aller au temple et tu vas faire un sacrifice, comme il était la loi demandait, la loi d'Israël, demandait si c'était guéri de la lèpre, tu devais retourner, faire un sacrifice d'action de grâce. Tu devais aller au temple et d'offrir un sacrifice à Dieu pour dire, merci, mon Dieu, de m'avoir guéri. Et ceci rendait un témoignage à toute la communauté de la grâce de Dieu. Tu sais, c'est un bel exemple, n'est-ce pas? Un bel exemple du pouvoir de Jésus. Du pouvoir de Jésus. Ici, on va voir que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais là, il dit, pour introduire cette vérité-là, parce que vous allez voir, aussitôt que Jésus va dire que ce pouvoir-là, tout le monde veut le tuer. Tous ceux qui sont là veulent le détruire. Tous les chefs religieux veulent le pogner à la gorge et le tuer. C'est un blasphème ce qu'il a dit là. Mais pour introduire cette vérité-là, il dit, j'ai le pouvoir aussi de guérir les maladies qui vous coupaient la relation avec Dieu. Comme j'ai ce même pouvoir de guérir la lèpre et de remettre cet homme en relation avec Dieu, j'ai aussi un autre pouvoir. Un autre pouvoir beaucoup plus grand que ça. Beaucoup plus nécessaire que ça. Beaucoup plus utile à l'être humain que cela. Vous savez, la lèpre, quand tu l'avais, tu ne pouvais pas le cacher à personne. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Et Dieu avait donné ça comme leçon de chose. Tout ce qui était lépreux, tout ce qui touchait à la lèpre. Vous savez qu'il y a des maisons. Je ne savais pas ça, je suis sûr que j'ai lu la Bible. Les maisons peuvent attraper la lèpre. Les maisons peuvent avoir la lèpre. Là. Je ne savais pas ça. La lèpre, ça peut se coller à plein de maisons. Et quand on pensait qu'il y avait de la lèpre, on faisait venir le prêtre, le grand prêtre. Le grand prêtre venait vérifier, il avait toutes sortes de tests à faire. Et si la maison était avait de la lèpre, c'est ce qu'on faisait? Je mettais en entour, on mettait le feu, on brûlait tout ça, c'était fini. On brûlait ça. C'était une façon que Dieu avait dit à Israël, je te montre par cela que je ne peux pas, moi, venir en présence du péché ou de la maladie ou de cette lèpre-là. Vous vous souvenez qu'un jour, il y avait un grand prêtre qui était devenu lépreux. Et son ministère était fini. Out you go. C'est une façon à Dieu de dire, tu ne peux pas rentrer dans ma présence quand tu es impur. Tu ne peux pas. Tu es séparé de moi. Maintenant, on va voir une autre raison pourquoi Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. La première raison pourquoi il a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est parce qu'il est capable aussi de purifier l'être humain dans son extérieur. L'être humain est capable de purifier l'extérieur de l'être humain, la lèpre, pour replacer en relation avec Dieu. Maintenant, Jésus a un autre pouvoir qui est nécessaire, une autre capacité qui est nécessaire pour pouvoir pardonner les péchés aux êtres humains. Un jour, Jésus enseignait et les pharisiens et les docteurs de la loi étaient assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Et ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. La deuxième chose qui nous amène à voir, à croire que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est que Jésus a une capacité que personne sur la terre a. Il a le pouvoir de scruter le cœur humain. Il a le pouvoir de regarder ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Avez-vous déjà dit des choses que votre tête, votre cœur ne croyait pas, ou que votre cœur ne pensait pas, ou que votre cœur cachait des choses. J'ai déjà été dans mon temps, quand j'étais plus jeune, être en train de confesser mes péchés à un homme. Puis pendant que je confessais mes péchés, je faisais d'autres péchés. Et lui, il ne savait pas. Je ne blâme pas pour ça. Il ne fait juste pas le savoir. Je péchais en confessant mes péchés. Il n'y avait pas le pouvoir de regarder dans mon cœur. Et ici, Jésus, dans ce texte-là, dit, lui, qu'il a le pouvoir de regarder dans le cœur de l'être humain. Au verset 20, pendant que ces hommes-là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis genre que j'ai l'imagination. Un peu trop, peut-être des fois un peu trop. J'ai le pouvoir de m'asseoir chez nous, dans ma chaise, pendant que je lis un texte de même, et essayer de visualiser la scène, de visualiser qu'est-ce qui se passe. De m'asseoir et de voir Jésus assis dans une maison, des maisons carrées, en pierre séchée ou en boue séchée, et Jésus est à l'intérieur et il parle avec des gens. Et là, il y a une foule, tellement de monde qui voudrait parler et voir Jésus, qu'il y a une foule à l'extérieur de la maison et personne ne peut rentrer, personne ne peut aller voir. Et là, on voit facilement ces quatre hommes ou ces deux hommes s'en venir, on ne dit pas comment ils sont, on pense qu'ils sont peut-être quatre, et ils s'en viennent avec une civière, avec un lit, et ils sont là, puis ils veulent emmener le malade au pied de Jésus. Avec un but, quel but? Que Jésus le guérisse, hein? Mais ils ne sont pas capables d'entrer. Et comme les êtres humains sont tellement pleins d'amour les uns les autres, il n'y a personne qui s'est torsé pour qu'ils passent. Les êtres humains ont dit, Attends. Reste en arrière. Prends le numéro. Fais la ligne, mon chum. Hein? Je vous garantis que si j'avais été là, j'aurais fait ça. Je vous garantis que j'aurais fait ça. J'aurais dit, reste en arrière, attends ton tour, mon chum. Je suis certain que j'aurais fait. Parce que je t'en ai tout comme les autres. Mais les gars sont tellement... Ils veulent tellement l'amener, là. Ils passent par en arrière, puis ils montent. Ceux qui connaissent un peu la culture juive, il y avait des escaliers pour pouvoir monter sur le toit par l'extérieur de la maison. Ils ont monté par les escaliers, ils sont montés sur le toit. Mais il n'y avait pas de bay window sur le toit ou d'affaires pour ouvrir, pas de chaussée sur le toit. Ils ont décidé de faire quoi? De faire un trou dans le plafond. Ça ne va pas être un petit trou. Descendre un homme dans un lit, ça ne va pas être un petit trou. Ça va être un trou, peu importe. Imaginez-vous ça, ça tombe en haut, là. Scousse, les cochonnets commencent à tomber, tout le monde qui est là, ça tombe. Il me semble que les gens sont en bas. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait ça? Et finalement, fait une histoire courte, ils descendent le gars auprès de Jésus, avec des cartes. La première chose que Jésus dit, quoi? Voyant leur foi. Il voit la foi de ces gens-là. Il est capable de voir dans le cœur des gens si la foi est là ou si elle n'est pas là. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez le voir, Jésus va dans certaines villes et dit, voyant pas de foi dans ces gens-là, il ne faisait rien pour eux autres. Jésus a la capacité ce matin de voir dans vos cœurs comme dans mon cœur. Puis voit cet homme-là qui est couché là, je ne sais pas, il s'est ramassé tout seul en bas. Pas vraiment, les hommes sont restés en haut sur le toit, ils ont descendu ça avec des corps. Il voit la foi dans cet homme-là. Et cet homme-là est venu pour être guéri de sa maladie. Mais Jésus, à cause qu'il voit la foi, il va lui dire quelque chose que ceux qui n'ont pas la foi ne croiront jamais. Il regarde l'homme dans les yeux, il voit qu'il y a de la foi, il dit, je vais te dire quelque chose de bien plus important que la guérison physique, tes péchés te sont pardonnés. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il le croit. Pourquoi? Parce qu'il y a de la foi à l'intérieur. Jésus lui dit quelque chose d'inconcevable pour un juif, d'inconcevable pour un hébreu. Le pardon des péchés ne s'obtenait pas de même dans l'Ancien Testament. Il y avait tout un paquet de rituels à faire au temple pour avoir le pardon des péchés. Mais Jésus sait que cet homme-là a foi en lui et il lui dit, tes péchés t'ont pardonné, et l'homme le croit, tout simplement. Jésus aurait pu lui dire, je vais t'envoyer sa lune. Et il l'aurait cru. Parce qu'il avait la foi. Le mot foi, ça veut dire, j'ai confiance. Je crois en ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est la vérité. Si tu me dis que mes péchés sont pardonnés, je le crois, tout simplement. Parce que si tu ne crois pas, tu fais Jésus un menteur. Et si Jésus est un menteur, on est tous dans la... Jésus n'est pas un menteur. Mais ceux qui n'ont pas la foi vont dire que Jésus est un menteur. Et Jésus dit à cet homme-là ici, je vois dans ton cœur, et j'y vois de la foi. Et je te dis, tes péchés te sont pardonnés. Et là, il se vire de bord, mais il ne voit pas juste ceux qui ont de la foi, il voit aussi ceux qui n'ont pas de foi. Verset 22, il dit aux hommes, aux pharisiens qui sont là, « Hey, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? » Il sait ce qui se passe dans leur cœur. Il voit dans leur... Ça vous a-tu déjà fait peur de savoir que Dieu connaissait toutes vos pensées? En tout cas, moi, j'en ai eu peur bien des fois. J'en ai eu peur bien des fois. J'ai rougi tout seul dans ma chambre bien des fois. Honte honte de mon péché, parce que je savais que Dieu le voyait. Honte de mon péché. Parce que Dieu me regarde et il voit tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mes pensées, même si personne d'autre le sait. Lui le sait. Et il dit à ces hommes-là, « Je vois ce qui se passe dans vos cœurs et je vois bien que vous ne me croyez pas. » Qu'est-ce qu'ils voient dans leur cœur? C'est de, non pas de la foi, mais de l'incrédulité. L'incrédulité. Ils voient, ils ne croient pas. Et ils ont exprimé leur incrédulité en disant quoi? Tu ne peux pas pardonner les péchés parce que juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc on ne te croit pas. Tu n'as pas le droit. Donc tu es un menteur, tu es un blasphémateur. Et on va te faire mourir pour ça. On va te faire mourir pour ça. C'est juste une question de temps. On va te faire mourir pour ça. Tu es un blasphémateur. Vous savez, tout à l'heure, notre frère a dit, j'étais longtemps catholique, puis il dit, des fois, j'ai encore des croyances que, à l'intérieur de moi qui sont encore un peu catholiques. Vous savez, ce qui est important, ici, il faut comprendre ces gens-là, il faut être compatissant envers ces gens-là. C'était des Hébreux, nés d'Hébreux, depuis des millénaires, et on leur avait enseigné quelque chose. On leur avait dit quelque chose. Pendant des millénaires, des siècles après siècles, on avait entré dans le cœur d'Israël une méthode, un moyen, des enseignements par rapport au pardon des péchés. Et ce que Jésus venait de dire, ça allait contraire à ça. Il n'était pas capable de croire ça. Et donc, ce n'était pas vrai. C'était un menteur, c'était un blasphémateur. On ne croit pas ça. Enfin, on ne peut pas croire ça. Ce que tu nous dis là, ce n'est pas vrai. Parce que tout mon enseignement que j'ai reçu depuis que je suis au même dit non à ça. Mais Jésus veut qu'il croie. Hein? Jésus voudrait donc qu'il croie. Il voudrait donc qu'il vienne à cette compréhension-là de dire, si moi, Jésus, je peux dire, je dis quelque chose, c'est vrai. Fait que, il va faire une étape de plus. Il va aller un peu plus loin pour leur montrer que lui, le Fils de l'homme, a le pouvoir de pardonner les péchés. Parce qu'il aimerait faire une chose avec ces hommes-là, c'est quoi? C'est de leur pardonner. Les pharisiens étaient les gens les plus aimables de la société. Nous, on a tendance à les voir noirs, un petit peu, les pharisiens. Parce que pourquoi on a tendance à les voir noirs? C'est parce que Jésus a parlé d'eux autres à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Puis ce qu'il a dit d'eux autres, c'était très noir. Mais je vous garantis, alors j'en suis certain à 100%, si vous aviez vécu avec des pharisiens, vous auriez tous dit, c'est des bonnes personnes. Vous auriez tous dit ça. Parce que c'était des bonnes personnes. C'est des gens très bien dans notre société. Selon les valeurs de la société, c'est des gens très bien. C'est pas pire que les autres. C'est des gens qui enseignaient la Bible, qui se tenaient dans les synagogues, qui instruisaient le peuple, qui faisaient du bien. C'est des gens qui étaient très bien. Les gens ne voyaient pas ces gens-là dans leur cœur. Mais Jésus a dit, « Hypocrite que vous êtes, moi je vois dans votre cœur et je sais qu'est-ce qu'il y a là. » C'est ça qui nous donne cette conviction profonde que Jésus est capable de voir dans l'être humain et de déceler. Là. On peut tromper tout le monde, vous savez. On peut même, si vous êtes assez bon menteur, vous pouvez vous faire croire des mentirs, vous savez ça. Hein? Vous pouvez vous convaincre vous-même autres que vous avez raison. Ça, c'est des bons menteurs. Mais pas, on ne peut pas tromper Jésus. On ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper les chefs religieux, on peut tromper notre femme, on peut tromper nos maris, on peut tromper nos enfants, on peut tromper bien du monde, mais on ne trompera jamais Jésus. Jamais. Et la troisième, Jésus dit, j'ai le pouvoir de purifier le corps pour remettre en relation avec Dieu. J'ai le pouvoir de voir dans ton cœur si tu as de la foi ou si tu n'as pas de foi. J'ai ce pouvoir-là de voir à l'intérieur de toi et je ne me trompe jamais. J'ai aussi le pouvoir de pardonner les péchés parce que je suis le Fils de l'homme. Quand ils disent au verset 21, quand ils disent, il y a juste Dieu qui a ce pouvoir-là. Vous savez, je vais vous lire quelques versets ici de l'Ancien Testament. Mais le pardon se trouve auprès de toi, Éternel Jéhovah, on peut peu importe comment on l'appelle, afin qu'on te craigne. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dans Michée, c'est que Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait juste une personne qui pouvait pardonner, c'était la personne de Dieu. Il n'y avait pas d'autre. Et c'est véritablement rentré dans leur tête. Ils disent à Jésus, tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas pardonner. Tu sais pourquoi dans leur tête qu'ils se pensaient ça? Parce que le gars qui était devant eux autres, selon leur compréhension, ce Jésus pour eux autres était juste un autre être humain pécheur. Un être humain pécheur ne peut pas pardonner, il a besoin d'être pardonné. Peu importe l'être humain que vous allez côtoyer, peu importe quel nom qu'il puisse donner, il n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. Juste Dieu a ce pouvoir-là. Ici, Jésus va dire, je vais vous prouver que j'ai le pouvoir en tant que fils de l'homme, en tant qu'un être humain. Je vais vous prouver que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, même si je suis un être humain. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit, je me suis posé la question cette semaine, pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à ces hommes-là qui le remettaient en question, qui l'accusaient d'être un blasphémateur, pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit, je suis Dieu. Je peux vous pardonner les péchés, je suis Dieu. Il aurait dû dire, je sais que vous avez raison, juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Je sais, vous avez raison, mes amis. Mais moi, je suis Dieu, donc je peux pardonner les péchés. Mais elle ne dit pas ça. Je crois qu'il a fait bonne attention de ce qu'elle dit. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Je vous ai dit quand on a commencé l'évangile de Luc, Luc a fait ressortir 25 fois à peu près. Jean dit tout le temps, Fils de Dieu, Fils de Dieu. Mais lui ici, Jésus, pendant tout le contenu de l'évangile de Luc, il se dit quoi? Je suis le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Tu sais pourquoi? J'ai déjà enseigné ce passage-là, puis j'avais enseigné. Jésus, ici, en pardonnant les péchés, démontre qui est Dieu. C'est juste Dieu qui peut pardonner les péchés. C'est vrai que Jésus pardonne les péchés. Donc, Jésus, en pardonnant les péchés de cet homme-là, démontre qui est Dieu. C'est vrai, ça. Mais ce n'est pas ce que le texte veut dire, je crois, personnellement. Jésus veut dire, à cause que je suis le Fils de l'homme, je peux pardonner les péchés. Savez-vous comme moi que si Jésus n'avait pas été le Fils de l'homme, Dieu n'aurait jamais pu pardonner aux hommes? Il n'aurait jamais pu. Si Jésus n'était pas le Fils de l'homme, Dieu n'aurait jamais été capable ou eu le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pourquoi? On a vu au début, séparation du péché de l'être humain avec Dieu. Hein, l'être humain? C'est comme si l'être humain était en dehors de la bâtisse, en dehors de la présence de Dieu. Il a péché. À cause que péché, il ne peut pas revenir dans la présence de Dieu. Il ne peut pas. Dieu a mis un ange, a formé le paradis, il dit, tu ne peux plus rentrer dans ma présence. Puis même, il dit à plusieurs reprises, si tu rentres, tu meurs. Si tu rentres dans ma présence, tu meurs. On le voit dans l'Ancien Testament. À plusieurs reprises, des hommes ont essayé d'entrer dans la présence de Dieu. Ils sont tombés morts. Ils ne peuvent pas rentrer dans la présence de Dieu. Ils sont des pécheurs. Ils ne peuvent pas. L'homme a besoin d'être pardonné, mais il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu pour demander pardon. Voyez-vous le dilemme? Il ne peut pas rentrer. C'est pareil comme s'il serait en dehors de la bâtisse, puis il dirait, oh Dieu, je me rappelle de demander pardon, mais je ne peux pas rentrer dans la bâtisse. Je ne peux pas rentrer, là, parce que je suis un pécheur. Dieu dit, j'ai la solution. Dieu dit, moi, je vais sortir de la bâtisse. Dieu a sorti, il s'est incarné dans la personne de Jésus, puis il est devenu un homme, puis il est venu vivre parmi les hommes. Il dit, maintenant, je suis devenu un homme comme vous, je vais pouvoir vous pardonner, parce que vous allez pouvoir me parler, vous allez pouvoir m'adresser à moi, je vais mourir pour vous autres, vous allez pouvoir être pardonné à cause de moi. Je suis devenu un homme. Si je ne suis jamais devenu un homme, vous ne seriez jamais pardonné. J'ai le pouvoir de pardonner parce que je suis devenu un homme. C'est bon, hein? C'est dans le bout de comprendre ça. Dieu devient chair. Dieu devient homme pour pouvoir nous pardonner. J'ai le pouvoir de pardonner parce que je suis le Fils de l'homme. Si je n'étais pas le Fils de l'homme, je ne pourrais pas vous pardonner. Même en tant que Dieu, je ne pourrais pas vous pardonner. Même en tant que Dieu, je ne pourrais pas vous pardonner. Parce que vous savez comme moi que dans l'Ancien Testament, les millions, peut-être les billions d'animaux qu'on a fait tuer pour l'expiation des péchés n'ont jamais expié un péché. Jamais. C'était une image de ce qui s'en venait. Ça prenait un sacrifice parfait. Et ce sacrifice-là, c'était Jésus qui dit « Je suis l'agneau de Dieu. Et moi, quand je vais mourir, je vais effacer les péchés du monde. Passé, présent et futur. Je vais effacer les péchés. C'est moi, en tant qu'être humain, je vais venir mourir pour les êtres humains et je vais pardonner les péchés de tous ceux qui ont la foi de ce gars-là. » Des milliards de gens regardent la croix qui ne croient pas et essaient de se sauver par leurs bonnes œuvres. Des milliards de gens regardent la croix, puis ils virent le dos, puis regardent Bouddha, puis disent à Bouddha de pardonner. Des milliards de gens se tournent vers d'autres choses parce qu'ils ne croient pas que Dieu s'est fait homme et est venu pour nous pardonner. Ils essaient de trouver une autre solution pour être pardonné. Ou bien des fois, ils n'essayent pas de trouver une autre solution. Ils prennent Jésus, mais ils veulent attacher quelque chose de plus. Jésus a fait sa part, mais je dois faire un petit peu ma part aussi. Jésus a fait un bout de chemin, moi je dois faire l'autre bout de chemin. Jésus a dit non. Tout ce que je veux voir dans ta vie, c'est de la foi. Si tu as de la foi, je te le dis. Tes péchés te sont. Une fois, j'avais un jeune homme, il s'appelait François aussi. Et non, Jean-François. Jean-François. Et Jean-François avait bien de la misère à comprendre que. Qui t'a pardonné de ses péchés. Mais la misère. J'avais beau de compter toutes les histoires, aller des versets. Ça rentrait pas. Donc, j'ai mis une chaise vide devant lui, puis j'ai fait asseoir sur une autre chaise devant la chaise vide. Il dit à Jean-François, tu crois-tu que Jésus est omniprésent? Il est présent partout. Oui. Es-tu présent sur la chaise? Oui. Ah oui, s'il est présent partout, il est présent aussi sur la chaise. Hein? Logique. Maintenant, j'ai dit, moi, je vais faire Jésus. Je me suis mis en l'air de la chaise et il dit, essaie de ne pas me voir. Puis j'ai lu le verset ici. Jean-François, je suis mort pour te pardonner tes péchés. J'ai mis sauté. J'ai dit, Jean-François, dis-y que tu ne le crées pas. Vas-y. Dis-lui. Ben, j'ai dit, tu dis que t'es pas sauvé. Dis-y, tu dis que tu m'as pardonné, mais je te crois pas. J'ai jamais été capable de le dire. Finalement, il a dit, je crois. Je crois parce que tu le dis. C'est simple de même, hein? Jésus a dit, je t'ai pardonné. Le croit-on? Si on le croit, on est pardonné. S'il y a de la foi, mais je vais vous dire un secret. Il ne le dit pas à ceux qui n'ont pas la foi. Ça ne sert à rien. Mais quand il y a de la foi qui est là, Jésus vient leur dire tout simplement, tes péchés te sont pardonnés. Et ils croient. Et Jésus peut leur dire toutes sortes de choses à ces gens-là. Puis ils vont toujours dire, je crois. Un jour, tu vas t'en aller dans le ciel avec moi. Je crois. Un jour, je vais changer toute la terre. Je crois. Un jour, tu vas avoir un corps ressuscité. Hop, je crois. Tout ce que tu dis, je crois. Je vous ai déjà dit, hein, c'est pas à ce que vous avez dit oui hier qui est important. C'est de toujours dire Oui. Quand Dieu nous dit quelque chose, on dit toujours, oui, je crois. Oui, je crois. Et moi, je crois personnellement que les croyants, les vrais croyants, disent « je crois » jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jésus peut leur dire des choses tellement... Les gens nous traitent de niaiseux, d'imbéciles de croire ces affaires-là. Dieu dit « voyons donc, vous êtes arriérés, vous êtes bon, rien, qu'est-ce que vous dites là, quoi, ça se peut pas, la science nous a prouvé le contraire, blablabla. » On nous dit toutes sortes d'affaires. Et le croyant continue à dire « je crois ». Je crois à ce que Jésus a dit. Ah, des fois, j'ai de la misère. Ça n'a pas toujours de la logique dans ma tête. Pas toujours de la logique. Mais je continue à dire, je crois. Je crois. Et Jésus nous a dit, je t'ai pardonné tes péchés, Donald. Je crois. Je crois. Les péchés passés, les péchés d'aujourd'hui et les péchés de demain sont pardonnés. C'est fini. Une fois pour toutes. Jésus, en tant que fils de l'homme, a le pouvoir de pardonner les péchés. Prions ensemble. Notre Père du ciel, quelle vérité! On est conscient, Seigneur, que la plupart d'entre nous, pendant des années, on n'a pas cru ça. On essayait de se sauver par nos propres moyens. On essayait de pratiquer des religions, chacun d'entre nous. Un jour, par un miracle de ta part, tu nous as dit des vérités et nous avons dit que nous croyons. Je crois. J'ai la foi. On te bénit, Seigneur Jésus. On te rend grâce d'avoir accepté de t'incarner, d'être venu sur la terre. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Toi, le Dieu qu'on avait insulté, le Dieu contre lequel on avait péché. Tu t'es incarné. Tu es venu vivre parmi les lépreux spirituels. Afin de réparer ce que nous avions brisé. Afin de pouvoir nous remettre en relation avec Dieu. Afin de nous permettre de t'offrir des actions de grâce par nos bouches. Afin qu'on puisse aller dans le temple spirituel et de dire « Merci Seigneur de nous avoir purifiés. Merci de nous avoir lavés de nos péchés. » Merci Seigneur. On ne dira jamais assez merci. Merci pour ton âme. Et que cette journée puisse être comme un ancre pour lui. Dans les moments de difficulté, dans les moments de doute, qu'il puisse se rappeler qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'il puisse se rappeler qu'est-ce qu'il a déclaré. Je crois que Jésus m'a pardonné. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'ai dit, je crois qu'il m'a pardonné. Et on te prie comme nous l'a demandé, que tu puisses lui donner la grâce, à lui et à nous, d'avoir la capacité de transmettre cette vérité à d'autres. On va en trouver, nous autres aussi, des hommes et des femmes qui ont la foi. Et quand on va leur dire, ils vont croire. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.